Redline, d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation, Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. Sixième épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde, ou plutôt pour sauver leur monde. Après un rendez-vous avec le ministre des Finances, le ministre de l'écologie comprend qu'il n'a aucune marge dans les négociations. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'imposer une contribution nationale rédigée par d'autres mains. Elle traverse le grand jardin bordé d'arbres fruitiers de l'ambassade de Chine, en essayant de repérer les gens qui l'intéressent et ceux à éviter à ce cocktail. Une main froide lui attrape l'avant-bras, elle se retourne. Le ministre des Finances. Alors, ça avance ? Ça avance, oui. On l'aura quand, votre contribution ? Demain matin, elle sera sur la table de mon ministre. Je vous serais reconnaissant si je pouvais l'avoir aussi. Vous l'aurez au Conseil des ministres. Un peu avant, ça serait mieux. Vous savez bien, votre contribution ne vaut rien si elle n'est pas soutenue par les finances. Autant gagner du temps. Si vous voulez faire bonne figure auprès du Premier ministre, il faudrait présenter un texte qui soit fiable, d'où l'intérêt de collaborer en amont, de chiffrer les possibles ensemble. Alors, n'oubliez pas, au sommet, vous avez la possibilité de négocier des positions différentes de votre ministre. C'est vous qui serez en première ligne. Mais il faudra juste avoir l'appui des chiffres. Cet homme lui plaît, malgré sa vulgarité et son ego excessif. Il lui donne de la confiance. Il lui donne l'impression qu'elle a fait le bon choix. Une nouvelle voie s'ouvre et elle est prête à foncer. Deux coupes de champagne plus tard, un autre homme lui barre le passage. J'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises. Vous êtes inaccessible. Je l'ai dit clairement à mon investiture, je ne rencontrerai pas les lobbies. Non mais nous, on n'est pas un lobby. On est l'Association nationale des producteurs en photovoltaïque. Je sais très bien qui vous êtes et je sais aussi que les entreprises pétrolières forment désormais la majorité de votre conseil d'administration. Mais ça ne veut rien dire. Au contraire. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Si on veut que cette prise de contrôle ne freine pas la transition énergétique vers le vert, il faudra inscrire dans la contribution des engagements fermes par rapport aux subventions du photovoltaïque. Vous avez vu l'Allemagne ? Ah non, pas l'Allemagne encore. Combien de fois par jour elle doit l'entendre ? J'entends ce que vous dites. Mais je crois que vous devriez plutôt parler à mon ministre. Regardez, il est là. Elle introduit son interlocuteur à son supérieur, qui, lui, n'a aucune envie de reprendre son boulet. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur Leroy, il a très bien fait semblant d'écouter le lobbyiste photovoltaïque. Il a même hésité à lui dire, avec les résidus de sa sincérité, « Arrête mon gars, tu perds ton temps. Je ne peux rien faire pour toi. Vous n'êtes pas encore dans la red line de ce gouvernement. » Et pile au moment où restait seul, il a pris une quatrième coupe pour oublier la médiocrité de sa journée. Le Premier ministre est venu lui parler. Il l'a accompagné vers le petit pavillon rouge avec son toit en pagode dorée. Et là, assis tout près l'un de l'autre, comme dans l'intimité du confessionnal d'une cathédrale, bon. La parole a éclaté. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous ? Rien. Tout va bien. On dirait pas. J'ai parlé avec le ministre des Finances. Il m'a fait part de votre confusion par rapport à notre red line. Il n'y a pas de confusion. On était convenus ensemble de garder les 35% de renouvelables pour 2020 et deux jours plus tard, j'apprends comme un con en réunion avec les industriels qu'en fait, on ne fera que 27% et en 2030. Je n'étais même pas mis au courant. Mais ne le prenez pas mal, c'est pas contre vous. L'information n'a simplement pas été relayée. Un vice administratif de procédure. C'est suicidaire. On n'aura aucun avenir politique. On ne fait que ce que les multinationales exigent. Je vais vous raconter une histoire. J'étais président de la région. Un fabricant de bus écologiques à hydrogène met à notre disposition à l'essai une dizaine d'appareils. Au bout de quelques mois, on est super content de cette expérience et on veut en acheter un nombre important. Impossible, ils refusent. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent aussi des véhicules polluants et que pour l'instant, ils n'ont pas intérêt à passer au vert. C'était juste une opération de com. Tout le monde y a trouvé son compte. Nous, on est passé pour la première région écolo, eux, pour ceux qui font des efforts sérieux dans la recherche pour anticiper la grande transition. Et voilà. À la fin, on s'est retrouvé à leur acheter les mêmes véhicules polluants. Tant que les producteurs ne sont pas prêts à des concessions, on ne peut rien faire. Si. On peut mener une politique qui les incite à faire ces efforts. On est en train de rater un moment historique. Mais vous avez vu le dernier sondage ? Seulement 8% des gens accepteraient de modifier leur mode de consommation. Nos électeurs ne sont pas prêts pour ce changement. Ils nous demandent d'agir sur le long terme, mais pas sur le court terme. Ils ont peur de la baisse de leur pouvoir d'achat, de l'énergie plus chère, d'une hausse d'impôts. Nous ne parlons pas du chômage. Imaginez toutes ces centrales qui ferment. Vous êtes allé dans les villes où les mines ont fermé? C'est la détresse. L'extrême droite qui monte, on a perdu le contrôle. Inutile de vouloir imprimer sa marque sur le monde si celle-ci ne traduit pas une aspiration de la société tout entière. Vous auriez dû travailler l'opinion publique en amont. Pour ça qu'on vous a nommé un professeur charismatique. On a cru que vous alliez faire de la pédagogie avec les foules. Vous nous avez déçus. Maintenant, on doit composer avec ce qu'on a. Avec cette frilosité ambiante. Son portable vibre au bon moment. Le Premier ministre répond. Descend les marches du pavillon et se perd dans la foule. Et lui, il reste comme un écolier perdu qui ne sait pas si le cours est fini. Il attend presque une demi-heure avec cette chape de plomb qui lui écrase la tête en cherchant l'issue de secours. Mais rien ne le sauve. Il est perdu. Il le sait maintenant clairement. Il s'est trompé de guerre. Il est entré dans la bataille sans avoir les bonnes armes. En croyant qu'avec un peu de bonne volonté et le désir de marquer son temps, il allait gagner. Et maintenant, il est en train de tout perdre. Vous venez d'entendre Redline d'Alexandra Badea. Sixième épisode. Avec Tiphaine Rabault-Fournier, la négociatrice sur le climat. Jean-Marie Winling, le ministre des Finances. Léo Reynaud, le lobbyiste. Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement. Alain Langlais, de la Comédie-Française, le Premier ministre. Et les voix de Slimane Yefsa, Laurent Claret, Xavier Bazin, Vincent Némette et Antoine Sastre. Réalisation, Baptiste Guiton.